Thank you.

klaxonne le mien, gender king. Bonsoir, je voulais dire que c'est son choix, mais je voudrais chanter cette chanson pour Serge. Parce que moi j'aime beaucoup, c'est vraiment formidable aussi, cette chanson pour Serge. Thank you.